arrivé la nuit dernière, toute la ville dormait. Marchant dans la rue, triste et solitaire, tout seul je braillais. Sur le banc pavé, métro République, je me suis allongé. Je voulais seulement qu'on me laisse tranquille. Je rêvais de, je rêvais de, je rêvais de toi. L'air était humide, la nuit glaciale. J'ai fermé les yeux. Je ne voulais pas faire de scandale. J'étais malheureux. Mais sur le banc de métro République, je t'ai observé. Je t'ai observé vivant 22. Par un amant, par un amant, par un amant bleu. D'un air soupçonneux, une heure entière, il m'a questionné. Il m'a confisqué l'air autoritaire. Enfin là j'aurai la nuit entière pour rêver de, pour rêver de, pour rêver de toi. Sur le banc 21, métro République, je suis allongé. Je voulais seulement qu'on me laisse tranquille. Pour rêver de, pour rêver de, pour rêver de toi.